France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Il y a un mois, nous ouvrions la nouvelle saison de 42e rue par un hommage à Marnie Nixon, une voix fantôme à Hollywood qui doublait dans le plus grand secret Natalie Wood dans les chansons du film West Side Story. Eh bien, il y a 10 jours, c'est une voix fantôme française qui disparaissait à son tour. Ce matin, je vous propose de découvrir qui était Anne Germain, certainement la voix fantôme française la plus connue. C'est elle qui avait prêté sa voix à Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de Rochefort, dans Peau d'âne, et comme lui avait dit un jour Serge Gainsbourg, dans ce métier, il ne faut jamais rien prêter. La recette du cake d'amour, Anne Germain, qui doublait, ou plutôt qui prêtait sa voix en 1970 à Catherine Deneuve dans le film Peau d'âne. Pour raconter ce matin la carrière de Anne Germain, je suis en compagnie de Rémi Carémel. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous l'avez bien connue, Anne Germain. Vous tenez un site remarquable sur toutes ces voix fantômes françaises, choristes, doubleurs, hommes et femmes de l'ombre. Alors on va parler avec vous de la carrière d'Anne Germain, mais il faut dire qu'on n'entend pas la voix d'Anne Germain uniquement au cinéma, dans les films avec Catherine Deneuve. Elle a également prêté sa voix pour des doublages de plusieurs films musicaux dans les années 60, 70, 80. On entend sa voix dans les dessins animés de Walt Disney comme Les Aristochats, en 1971, dans Mary Poppins en 65, dans Annie la petite orpheline en 85, et puis aussi, dès 1957, elle prête sa voix, enfin là en l'occurrence elle double, Rita Hayworth dans La blonde et la Rousse. C'est ce film avec Frank Sinatra, intitulé en anglais Pale Joey. Écoutez cette version française d'une chanson très célèbre de Richard Rodgers, Bewitched. C'est un fou. Et ça, je le sais. Mais un fou qui est plein de charme. Je suis amoureuse. Je ne saurais le cacher. Car l'amour me désarme. Moi, j'adore les sensations. Je me donne beaucoup de mal chaque fois, mais toutes ces pâles imitations me laissent le cœur froid. Moi j'aime le feu, les trucs dangereux, c'est enivrant, captivant, quand je me sens maudite par ceux qui m'envoûte, j'aime ça. Et sans trêve, ça me donne des rêves. Que faire, je l'ignore, quand ma tête tourne, maudite par ceux qui m'envoûte. J'aime ça. Ce n'est pas sage, ma foi qu'importe. Mais pourquoi le cacher? C'est très grave, moi je l'aime parce qu'il se rit de moi. Il m'a choisi, moi je l'ai choisi. Maintenant, j'attends qu'il devienne lui aussi maudit par celle qui l'envoûte comme moi. Je me moque bien de ça, j'ai le cœur qui bat. C'est Joey qui l'a mis dans un tel état, par ceux qui m'en voudront. J'aime ça. Faut bien que quelqu'un arrange les mariages. Elle trouvera un homme merveilleux. Un homme intéressant. Et avec ça très riche. Et important. Moi, je voudrais qu'elle me trouve un mari. Un bon mari. Tendre et gentil. Mais pourra-t-elle me trouver un époux qui m'apporterait l'amour? Moi, je voudrais me trouver un mari fort et très doux, je dirais oui. Le monde enfin semblera tout à moi quand j'aurai la bague au doigt. Pour papa qu'il ait des lettres, pour maman qu'il apporte de l'or. Quant à moi, ça ne me dérangerait pas qu'il soit beau comme Casanova. Si tu connais un homme à marier, parle pour moi, tu sais pourquoi. Je n'en peux plus d'être seule la nuit, retrouve-moi vite un mari. Et depuis quand t'intéresses-tu au mariage, Rava? Je croyais que tu n'avais Dieu que pour tes livres. Alors que tu ne t'intéresses qu'au fils du rabbin, à vous. Pourquoi pas? Or, nous n'avons qu'un rabbin. Et il a seulement un fils. Pourquoi n'aurais-je pas le mieux? Parce que tu es fille d'une famille pauvre. Et quoi que Yen t'offre, prends-le! Prends-le! Tu sais bien que j'ai raison. Hadel! Oh Hadel! J'ai trouvé ton grand amour! Un bel homme et jeune! D'accord, 62 ans, bon pied, bon oeil, merveilleux, non? Non? Si! J'espère que tout ira bien. Et si ça ne va pas bien? L'amour, il n'y a pas que ça! Tu comprendras! Il est là, l'homme qui fera ton bonheur. La classe, la taille, surtout par la largeur. Mais c'est un homme et un bon cœur, vrai? Vrai? Je sais qu'il va te battre, et pour oui et pour non. Mais jamais après boire, alors ça va. Tu voulais peut-être un roi. Tais-toi et ne m'ennuie pas. Oui, sans dot, ni trousseau, ni espoir, ni héritage. Tu as quand même un nom. Ah. Moi, je voudrais bien me trouver un mari de 20 printemps, mais j'ai le temps. Oh, pauvre moi qui jamais n'ai rougi. Vois dans quel état je suis. J'ai rien de comprendre les choses, souviens-toi, tu as eu un époux. Je ne suis pas sentimentale. Oh non, mais ça me terrifie. Toi qui connais des hommes à marier, j'aime mieux pas me fier à toi. J'épouserai quelqu'un que j'aimerai. Donc, n'y pensons plus, ne m'aime plus. J'aime mieux pas, laisse-moi le choix. J'aurai un amour à moi. Anne Germain, en duo, notamment avec Daniel Licari, ensemble en tout cas pour le doublage du Violon sur le toit, le film d'après la comédie musicale de Jerry Bock et Sheldon Harnick. En 1971, la chanson originale s'intitulait Matchmaker et en français, moi je voudrais me trouver un mari. Anne Germain était née le 15 avril 1935. Ses parents ne sont pas particulièrement musiciens, mais ils tiennent un hôtel à Montmartre que côtoient de grands noms de la chanson et de la musique, et où traîne un piano. C'est ainsi qu'elle commence à apprendre la musique et le chant. Rémi Caramel, quels sont ses premiers boulots dans la chanson et dans la musique, Anne Germain? Alors en fait, Anne a commencé comme beaucoup de chanteurs et chanteuses à l'époque, comme chanteuse d'orchestre, pour des petits orchestres qui faisaient des bals ou qui jouaient dans des thés dansants, dans des casinos comme le Palm Beach à Cannes. Et donc elle partait comme ça faire des saisons avec des musiciens. Et en fait, ces musiciens-là étaient tous dans le monde des studios d'enregistrement parisiens. Parce que donc à partir du milieu des années 50, donc il y a un grand boom dans le milieu du disque, tout se développe et il y a ce qu'on appelle les requins de studio, voilà, qui font leur travail, qui travaillent énormément pour des musiques de films, des enregistrements de variétés qui accompagnent tous les chanteurs à la mode. Et donc Anne se retrouve du coup, après avoir fait ses débuts comme chanteuse d'orchestre, se retrouve vite dans ce milieu-là. On l'engage pour faire des chœurs pour Léo Ferré, Jacques Brel, Claude François, Johnny Hallyday. Et elle travaille énormément. Elle avait, ses filles m'ont dit qu'elle avait à peu près 3 employeurs par jour, 3 employeurs différents par jour, parce qu'il y avait les séances de musique de film, les séances de variété, les Olympias le soir, les émissions de variété de Guy Lux notamment, où il y avait un orchestre et des choristes. Donc c'était ça laisse rêveur les jeunes musiciens et jeunes choristes quand ils voient toute l'activité qu'il y avait à l'époque. Il y avait aussi les jingles de publicité qui étaient tous chantés pour la plupart. Donc c'était ça le milieu des choristes parisiens dans les années 60. Et tous ces gens-là, donc Christiane Legrand, Daniel Licari, Mimi Perrin, Ward Swingle, toute la famille Germain, montaient aussi des groupes vocaux de jazz comme les Swingle Singers ou les Double Six.

Elle est allée jusqu'à la Maison Blanche avec ce groupe, les Swingle Singers Anne Germain. C'était en 1963, extrait du premier album des Swingle Singers, Jazz Sébastien Bach. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Rémi Caramel, comment elle s'est retrouvée dans ce groupe, les Swingle Singers, Anne Germain ? En fait, Anne, donc, les Swingles, c'est un groupe de choristes, en fait. C'est Ward Swingle, qui était un Américain qui vivait à Paris, qui a fondé ce groupe-là, uniquement avec des choristes de l'époque qui savaient très, très bien lire la musique, parce qu'il y avait une forte activité dans les studios, et donc, fallait savoir travailler très rapidement. Et donc, tous ces gens-là se sont retrouvés comme ça. Donc, Claude Germain, le mari d'Anne, José, plus tard, le beau-frère d'Anne, Christiane Legrand, la grande soliste, et d'autres. Et en fait, tous ces chanteurs-là, d'ailleurs, vous retrouvez leur voix dans les musiques de Michel Legrand, les Demoiselles, Paul Dane, les Parapluies de Cherbourg, tous avec des petits rôles solistes ou des rôles importants. Comme Michel Legrand qui disait qu'il avait besoin de gens qui lisent très très bien la musique, qui chantent juste, mais surtout pas de voix lyrique. Oui, parce qu'en fait, Legrand, un peu, c'est la nouvelle génération des arrangeurs dans les années 50. Et donc, il a voulu vraiment se calquer sur ce qui se faisait aux États-Unis avec des voix modernes. Et alors qu'avant, dans les années 50, tous les chanteurs étaient accompagnés de chœurs plutôt lyriques. C'était très classique. Sur Edith Piaf, par exemple, vous entendez « Mon Dieu », c'est très... Et donc, il a apporté un nouveau du sang neuf quoi, dans le monde des studios parisiens. En 1975, Anne Germain se parodie les Swingle Singers dans un film de Jean-Yann, Show Business. Tu as ? Je suis triste et je m'ennuie. Toi, tu me caches quelque chose. C'est fini avec Guillaume. Ça ne pouvait pas durer. Bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai jamais aimé ce type-là. Et tu sais à quoi je pense ? Oui, à l'homme de ta vie. Comment as-tu deviné ? Mais mon petit chou, c'est simple. Tu as toujours cet air-là lorsque tu penses à l'homme de ta vie. Je ne sais rien de lui et pourtant je le vois. Son nom m'est familier et je connais sa voix. Souvent dans mon sommeil, je croise son visage. Son regard et l'amour ne font plus qu'une image. Il a cette beauté des hommes romantiques. du divin Raphaël, le talent imité, une philosophie d'esprit démocratique, et du poète enfin la rime illimitée. Je pourrais te parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais te parler de lui jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie. Mais à quoi bon rêver? L'illusion de l'amour n'est pas l'amour trouvé. Est-il près? Est-il loin? Est-il à Rochefort? Je le rencontrerai car je sais qu'il existe. Bien plus que la raison, le cœur est le plus fort. À son ordre, à sa loi, personne ne résiste. Et je n'y résisterai pas. Ma petite, je ne crois pas que ce genre de garçon traîne dans les rues de Rochefort. Vous avez reconnu en 1967 Anne Germain qui prêtait sa voix à Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de Rochefort. Elle était la voix de Delphine dans ce film de Jacques Demy sur les musiques de Michel Legrand, un immense succès au cinéma et personne ou presque qui sait que Catherine Deneuve ne chante pas dans le film. Écoutez ce que Anne Germain en disait en 1998 au micro de Michel Gosselin sur Radio Bleu lorsqu'il lui demandait si elle n'avait pas été un peu frustrée par ce succès dont elle était étrangement absente. Franchement, je n'ai jamais eu ce sentiment-là d'avoir été frustrée, de sentiment de jalousie. Enfin, de jalousie, oui, de regret, comme vous dites. De regret, oui. Parce que, si vous voulez, déjà en Amérique, ça se pratiquait beaucoup. Et les chanteurs qui prêtaient leur voix à des comédiens célèbres n'étaient pratiquement jamais mis sur le devant de la scène. Et c'était pas tellement ce qui nous préoccupait. À ce moment-là, ce qui nous préoccupait, c'était de bien chanter ce qu'il y avait à chanter. Et de bien le faire vivre, de bien l'interpréter. Et puis que ça passe bien. Bon, il est vrai que je citerai ma camarade Danielle Licari. Et par exemple, dans Les Parapluies de Cherbourg, où elle a, parce que le film était entièrement chanté, elle a chanté le rôle d'enfant Catherine Deneuve dans Les Parapluies, on l'entend jamais. Elle est chantée. À ce moment-là, j'ai trouvé que on faisait pas tout à fait assez de place à la place belle à Danielle Licari par rapport à ce qu'elle avait fait. Si vous voulez, moi, dans les Demoiselles et dans Peau d'âne, je partageais, soyons modestes, avec Catherine Deneuve. On peut pas imaginer tout ça au moment où on chante toutes ces choses-là, ou au moment où on les fait, on est pris dans ce qu'on est en train de se faire en ce moment, il faut que ça soit bientôt. On n'a pas en même temps la pensée, qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans, dans 20 ans, non. Maintenant, nous avons la joie de vous présenter les Sœurs Garnier. Et voici les célèbres Sœurs Garnier. L'été a disparu, l'été, quand le temps s'en est allé, du côté des saisons mortes, on ne peut que soupirer, regretter l'été, mais pour revivre un jour d'été, lorsque l'hiver s'est installé, et que votre cœur s'est glacé, il faut aimer. Soleil et la pluie, aimer l'hiver, aimer le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Quand l'amour a disparu, l'amour, quand le cœur s'en est allé du côté des jamais plus jamais, on ne peut que regretter l'amour envolé, mais pour ressusciter l'amour, si votre cœur vide est trop lourd. Si l'ennui menace vos jours, il faut aimer. Aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs, aimer le jour, joie, retrouver la joie. Quand le cœur s'est installé, étalé du côté du grand amour, l'amour, chaque jour est un été. La voix d'Anne Germain dans Peau d'âne. C'est drôle parce que quand on lui demandait à Anne Germain comment elle se positionnait par rapport à Catherine Deneuve, elle disait « Mais non, c'est Catherine Deneuve qui m'a doublée dans Peau d'âne ». Rémi Carémel, racontez-nous comment elle s'est retrouvée à prêter sa voix à Catherine Deneuve dans les Demoiselles de Rochefort et dans Peau d'âne, Anne Germain. Bah en fait, Anne faisait déjà beaucoup, comme je vous disais, beaucoup de chœur et elle avait commencé le doublage en 57, donc avec La Blonde ou la Rousse. Et donc, c'était une voix connue dans le métier, au même titre que Christiane Legrand et Nelly Cary. Et en fait, dans Les Parapluies de Cherbourg, donc tout était chanté. C'était Nelly Cary qui avait fait la voix de Catherine Deneuve. Et les Demoiselles de Rochefort, en fait, le film était mi-parlé par les comédiens, mi-chanté, et donc il fallait une voix qui raccorde avec la voix de Deneuve. Et donc, du coup, Michel Legrand avait déjà fait enregistrer des maquettes, donc des chansons par Anne Germain et d'autres choristes. Et en fait, un peu plus tard, quand le film a commencé à se faire, il a fait passer des auditions avec tous les Swingle Singers, les Double Six, les choristes de l'époque, et c'est Anne qui a été choisie. Et il faut dire qu'Anne avait vraiment un don exceptionnel d'imitation et une façon de se fondre avec les voix des comédiennes qu'elle doublait. Et Anne était vraiment une vraie comédienne, en plus d'être une magnifique chanteuse. Et donc c'est sa voix. Du coup, elle a fait l'enregistrement avec tous ces choristes-là. Parce que dans Les Demoiselles de Rochefort, tous les chanteurs sont doublés. Enfin, on peut même pas parler de doublage parce que les chansons ont été enregistrées avant le tournage. Même Jane Kelly, c'est pas sa voix qu'on entend, sa voix chantée. C'est un choriste canadien qui s'appelait Don Burke, qui avait monté un groupe qui s'appelait Les Troubadours. Un groupe de folk assez connu dans les années 60. Il y a seulement Daniel Darieux qui chante avec sa propre voix dans le film. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs assistaient à l'enregistrement des chansons en studio par Anne Germain, oui, Claude Parent. Alors, ils y avaient tous assisté, mais sans avoir vraiment de contact avec les chanteurs. Mm-hmm. C'est Jacques Demy qui les avait invités pour les mettre un peu dans l'ambiance. Et ensuite, ils ont répété sur les bandes des chanteurs pour faire un... Et ensuite, ils ont tourné en playback. Alors d'ailleurs, le travail de Catherine Deneuve là-dessus est extraordinaire, et de tous les comédiens, parce qu'on n'a pas l'impression que ce ne sont pas leurs voix. Ils ont vraiment appris à chanter en playback et travailler pour que ça fasse illusion. Anne Germain, quand on lit son registre de voix, c'était écrit alto. On n'a pas l'impression qu'elle est alto lorsqu'on l'entend par exemple dans Podane ou dans Les Demoiselles de Rochefort. Oui, non, elle avait une amplitude vocale assez large. Elle était plutôt cantonnée dans des rôles d'alti. Mais elle avait de très beaux aigus aussi, qu'elle n'a pas exploité, parce que quand elle est arrivée dans le métier, c'était Christiane Legrand, Janine Devalaine qui étaient vraiment les deux grandes choristes soprano. Et donc, du coup, elle était plutôt passée dans des rôles d'alti. Et voilà, mais c'est vrai que quand elle chante dans les Aristochats, quand elle fait Duchesse, ou dans Deneuve, dans Les Demoiselles et Podane, elle a de très beaux aigus. Et voilà. On entendait tout à l'heure, elle répondait à une interview, est-ce qu'elle était frustrée? Comme vous qui l'avez maintes fois rencontrée, vous étiez une amie de Anne, vous étiez amie avec Anne Germain, elle vous en parlait comment de Podane et des Demoiselles de Rochefort? Elle était amère à propos de cette expérience du coup? Pas du tout, pour elle c'est de très beaux souvenirs. Après, je pense qu'elle était parfois un petit peu agacée quand par exemple Catherine Deneuve était interviewée et qu'on lui posait des questions sur les chansons et qu'elle éludait un petit peu la question et elle mentionnait jamais le nom d'Anne Germain. Donc je pense qu'Anne était un petit peu, ça l'agaçait un petit peu, mais c'était, elle en faisait pas un plat. C'était vraiment, elle était très modeste, Anne, sur tout ce qu'elle avait fait. Et il n'y a pas de frustration là-dessus, à part peut-être pour des histoires de droit aussi, parce que les interprètes ont quand même été assez lésés sur les disques et sur tout ce qui s'est fait. Mais à part ça, voilà, elle n'en gardait que des bons souvenirs, je crois. Alors pour bien montrer qu'Anne Germain était de la création de Podane, on va écouter dans un instant la maquette d'une version alternative de la chanson Amour, Amour. Vous allez entendre Anne Germain aux côtés de Jacques Revaux. Mais auparavant, pour bien comprendre qu'Anne Germain n'avait pas sa langue dans sa poche, la tête bien sur les épaules et qu'elle ne cherchait pas la lumière, voici un extrait très court d'une interview qu'elle avait donnée à Paul Lucas pour Radio Campus, un enregistrement prêté par Thierry Dupin, programmateur de France Inter. Vous savez que j'ai refusé d'aller à Europe 1 il n'y a pas longtemps. J'en ai entendu parler, oui. J'ai dit non, je ne vais pas. Et comment ça se fait alors? Je ne sais pas, ça m'a fait peur. Ouais. On enregistre là, oui, toujours. Non, puis je n'avais pas envie de me déranger d'aller jusqu'à Europe 1 pour que. Mais j'ai rien à vendre. Oui. Vous êtes la première personne qui me offre des fleurs comme ça. Michel Legrand, moi, je vais m'offrir des fleurs. L'amour se cache dans le cœur et secrètement organise comme un ver dans une cerise les souvenirs et les regrets de son bonheur. La la la la la la la. Amour, amour, je t'aime tant. Pourquoi frappes-tu à ma porte? Est-ce la joie que tu m'apportes? Il y a tant de temps que mon amour t'attend. La la la la la la la la. Rendons à César ce qui appartient à César, encore une curiosité, puisque Rémy Caramel nous affirme que cette chanson, créditée sur l'album de la bande originale du film Le Dernier Homme, comme étant chantée par Daniel Licari, fut en fait chantée par Anne Germain, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a eu une petite erreur, comme c'était le cas souvent pour des choristes, où on ne faisait pas attention à qui chante quoi. Et du coup, il y a une erreur. C'est en faisant des recherches sur Daniel que je suis tombé sur cet enregistrement et que j'ai fait écouter à Anne, qui m'a bien confirmé que c'était sa voix. Et elle avait répété avec Paul Misraki chez lui, sur son piano. Voilà. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. On raconte ce matin la carrière d'Anne Germain. Avec beaucoup d'enregistrements rares, vous êtes devenu Rémy Caramel avec une maquette d'une comédie musicale mise en scène par Jean-Claude Brialy. C'était en 79, c'était La Fugue. Certains l'ont vu, il y avait Ariel Dombal sur scène, une partition plutôt jazz. C'était composé par le pianiste Alexis Weissenberg. Qu'est-ce qu'on va entendre hein ? Alors on va entendre une maquette. Donc c'est un enregistrement préalable à... pour une musique de film ou pour une comédie musicale et qui sert de copie de travail. En fait, Weissenberg avait fait enregistrer par plusieurs choristes des essais en fait de chansons pour sa comédie musicale. Et Anne en a enregistré deux chansons. Et c'était des chansons avec une musique vraiment très très complexe et elle en fait quelque chose de magnifique à tel point que Weissenberg lui a même proposé de participer au spectacle comme alternante du rôle tenu par Frédéric Tirmont. Et Anne avait assisté à la répétition avec Brialy et elle n'a pas osé tout simplement. Et c'était alors que pourtant je pense qu'elle aurait fait une comédienne remarquable. Elle s'est pas sentie. Elle n'a pas eu le courage de se lancer là-dedans et c'est bien dommage parce que l'enregistrement que vous allez entendre, donc qui était un repiquage. Je remercie Jean Letellier d'ailleurs, un autre ami et Gilles Anné, donc un autre ami d'Anne qui avait numérisé cet enregistrement. Et donc c'est quelque chose d'absolument magnifique que vous allez entendre. Il y a une chanson qui s'intitule « Mon destin ». Plus mon destin est non perdu au pied. On les confondait souvent, Daniel Licari et Anne Germain. Elles étaient réunies au générique de fin de ce film, Madly, en 1969, musique composée par Francis Lai. Anne Germain, on l'a compris, n'a donc pas vraiment tenté de carrière solo. Par contre, dans les années 60, elle avait enregistré ce qu'on appelle des covers. Elle reprenait des chansons de variété populaire en tentant d'imiter les vedettes de l'époque. On a compris grâce à Rémi Caramel qu'elle était très forte en imitation. Et on en aura un goût dans le film de Jean-Yann, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Rappelez-vous, c'est un film qui, dans les années 70, parodie les radios périphériques. Et là, c'est un festival, vrai festival, Anne Germain. Elle parodie des chansons de Sylvie Vartan, de Gloria Lasso ou encore de France Gall. Tous les matins, tendre poème, l'enfance vous semble déjà loin. Un chemin parmi tous les chemins, bientôt vous mène vers d'autres légendes. Et plus loin, il en sourit à la promesse de la vie, il en sourit pour être aimé de la vie. Un matin, devant quatre chemins, la vie commence, mais quand viendra l'heure? Entre le ciel et la terre, entre l'arbre et la rivière, entre l'ombre et la lumière, où s'en ira mon cœur? On est dans une ferme parce que c'est une chanson extraite de la comédie musicale L'extravagant Docteur Dolittle avec Rex Harrison en 1967. Anne Germain doublait Samantha Egar. C'est une adaptation en français signée Eddie Marnet. Merci beaucoup Rémi Caramel. Merci à vous d'avoir accordé cette émission à Anne. Elle le méritait bien. Et merci d'être venu avec toutes ces pépites. On vous conseille d'aller faire un tour sur le blog de Rémi. C'est dans l'ombre des studios. On vous a mis les références sur la page de 42e rue. C'est sur francemusique.fr. Dans l'actualité des comédies musicales, deux stars de Broadway ont sorti avant-hier un album solo. Idina Menzel, qu'on connaît en France surtout pour la chanson Let It Go de la Reine des Neiges, délivrée, libérée, et qui avait également une vie auparavant à Broadway. Et puis, seconde star de Broadway, Christine Chenoveau, soprano extraordinaire. Son nouvel album est paru chez Decca, L'art de l'élégance. Elle y rend hommage à des chanteurs comme Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Linda Ronstadt. Je vous propose d'écouter son tout premier single et je trouvais que ça allait bien ce matin avec une émission consacrée à Anne Germain. Oh. I don't need your photograph to keep by my bed. Your picture is always in my head. I don't need your portrait, dear, to call you to mind. For sleeping or waking, dear, I find the very thought of you. And I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a queen. Though it may seem to me that's everything, the mere idea of you, the longing here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm near. Thought of you, my love. L'album s'intitule The Art of Elegance. Cette chanson, The Very Thought of You, vient de sortir chez Decca. On y reviendra bientôt. Christine Chenové qui entre dans le cercle restreint des artistes de Broadway qui propose des seuls en scène. Ça sera en novembre à Broadway, un show intitulé Ma lettre d'amour à Broadway. Sur francemusique.fr, vous pourrez réécouter l'émission, la podcaster, trouver les références des disques et des nombreuses raretés diffusées ce matin. Et vous retrouverez L'adresse internet du site de Rémi, Caramel, dans l'ombre des studios. Merci à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Merci à Martine Moni qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci ce matin à Benoît Latil, Emmanuel Dupuis, Thomas Bizot et à la réalisation à Céline Parfenoff. Prochain cabaret 42e rue, notez-le, c'est dimanche 30 octobre avec la troupe de l'Opéra de Katsou, nouvelle production signée Jean Lacornerie qui démarre à Calais le 1er octobre. Le 1er octobre prochain. Je vous souhaite un très bon dimanche. Rideau.